chemise d'enfer. Femme, femme, femme, si chouette dans quelle peau. Je feu d'artifice avec mes lasers. Femme, femme, ça chauffe à gogo. Je pousse la sono, je débranche l'oxygène et je noie tout ça.